Marsilio Ficino, un chanoine de Florence, estimé pour ses qualités, s'entretenait sur l'immortalité de l'âme avec son ami d'enfance philosophe, Michele Mercati. Troublé par quelques idées philosophiques, sur lesquelles il ne s'entendait pas, le chanoine et le philosophe convinrent que, celui des deux qui mourrait le premier, viendrait donner des nouvelles de l'autre monde, par le bon plaisir de Dieu. Puis ils se séparèrent. Ficino et son canonica de Florence, et Mercati dans sa famille à San Miniato, ville assez éloignée de l'autre, et passèrent longtemps sans se voir. Un soir à ses études philosophiques, Mercati entendit le galop d'un cheval qui arrêta à sa porte. Il ouvrit sa fenêtre, et vit un homme, vêtu de blanc, monté sur un cheval blanc, qui s'écria « Ah, oh Michele, Michele, c'est vraiment vrai. Vera vera, sunt, illa. » Mercati reconnut son vieil ami, le chanoine Ficino, et le pria de s'arrêter. Mais le cheval reprit sa course et bientôt ne le vit plus. Mercati envoya un domestique à Florence, et il rapporta que Ficino était mort à la même date, alors même où son âme était apparue. Mercati brûla ses livres de philosophie, dit adieu à ses vaines études du monde, et il ne se préoccupa plus que de son salut. Le cardinal Baron Justin se fait du petit-fils de Mercati, alors jeune philosophe, puis savant, médecin et protonotaire apostolique, autant recommandable par sa prudence que par sa droiture.